Autour d'une fortune, par Louis Bonshomme. Dans le vaste et luxueux salon de l'hôtel particulier de l'avenue du Bois de Boulogne, une seule lumière, une lampe de guérison, était allumée. Un grand feu de bois flambait dans la belle cheminée Louis XV, malgré les radiateurs. Non que la température fût précisément froide. Deux fenêtres étaient entrebâillées. Mais Sir John Felton aimait à contempler les flammes d'un âtre. Leur douceur claire plaisait à sa mélancolique songerie. Sir John Felton était neurasthénique, terme vague et décent, dont la médecine, avec certaines clientèles de haut milieu, se sert sans plus préciser. Sir John Felton, assis dans une bergère Marie-Antoinette, contemplait donc les flammes de l'âtre, tandis que son infirmière lui faisait la lecture des journaux du soir, jusqu'au moment où le grand cartel d'écailles sonnerait 11 heures, heure où apparaîtrait inéluctablement le valet de chambre, au soin duquel Sir John Felton se livrerait pour se coucher. La jeune infirmière était une personne au visage très doux, joli et fin. Sa voix était agréable et Sir John Felton l'écoutait, les yeux mi-clos, levant parfois sa paupière alourdie pour laisser errer avec un certain agrément sur la blanche et gracieuse nuque penchée son œil gris pâle où les flammes de l'âtre faisaient danser leur lueur vive. Il tout sauta. La jeune infirmière interrompit aussitôt sa lecture et le regarda. « Vous n'êtes pas souffrant, sœur. »« Non, mademoiselle Laure, non. Au contraire, dirait-on. Ce soir, il me semble que je suis un peu mieux. »« Voulez-vous que je ferme la fenêtre ?»« Non, non, ma foi. L'air ne me paraît pas trop vif. »« Prenons garde. Vous croyez ? Eh bien, fermez-la, si vous croyez que cela soit préférable. Cela vaudra mieux. »« Bien, bien. Vraiment, mademoiselle Laure, je n'ai qu'à me louer. » et vous exprimer ma gratitude de vos services. Depuis une dizaine de jours que vous êtes près de moi, votre sollicitude m'enchante et positivement je me sens mieux. Je ne fais, Sir Felton, que ce que je dois. Oui, oui, oui. Mais il y a façon et façon de faire ce qu'on doit. Et votre façon à vous, je m'en répète, m'enchante, positivement, positivement. Et dire que ne vous connaissant pas suffisamment, j'hésitais, je l'avoue, à vous prendre. J'avais fait passer dans les journaux cette annonce demandant une infirmière capable, dévouée et dotée de qualités particulières pour me créer un choix sur les diverses personnes qui se présenteraient, me réservant de faire ensuite un tri minutieux sur leurs références. Et votre abord m'a séduit tout de suite. Vous êtes trop aimable. Voulez-vous que je continue ma lecture ? Non, non, ça me fatigue un peu l'esprit, et ensuite je dors moins bien. Causons plutôt. J'aime causer avec vous. Votre conversation est fort agréable. Elle ne me fatigue pas du tout l'esprit. Et je ne dors pas mal, oui, je ne dors pas mal ensuite. Votre médecin consultant a dit en effet, « Eh, laissons, mon Dieu, les médecins, ce sont des catégoriques. » Oui, ce sont des catégoriques, qui placent leurs malades dans de petits casiers à étiquette, où ils les regardent avec des yeux habitués à voir d'une certaine façon tout à fait préconçus. Vous n'êtes pas de mon avis. « Mon Dieu, » sourit Madame Laure, il y a peut-être, ma foi, beaucoup de vrai dans ce que vous me dites. Mais voyons, voyons. Je suis heureux que vous soyez de mon opinion. Un malade clairvoyant, attentif à son propre mal, qui sait s'étudier, voyons, se rend mieux compte que quiconque de ce qu'il y a salutaire ou néfaste. Mais voyons, c'est très juste. Bon, j'étais pendant la guerre aviateur, et j'ai eu une chute, dont je me suis tiré intact, vous le voyez. Ils disent que cette chute m'a laissé un affaissement nerveux. D'accord, d'accord. Je leur concède ce terme vague. Je l'admets d'autant mieux que d'autres soucis, des soucis, Sir Felton. Oui, oui, j'ai Mademoiselle Laure un fils. Ou plutôt, j'avais un fils. Je ne sais plus, au juste. Je ne sais plus, voilà. Si je savais exactement, je me porterais tout à fait bien, à mon avis. Ah, vous ne savez pas? Non, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est parti en voyage. Il est explorateur. Il est parti dans le Tibet. Depuis longtemps. Bien longtemps. Et depuis bien longtemps, je n'ai pas de ses nouvelles. Il est certainement mort. Ou peut-être il ne l'est pas. Mais alors, dans ce dernier cas, il aurait donné de ses nouvelles, n'est-ce pas ? C'est évident. Vous voyez ? Vous voyez ? Oui, il aurait dans ce cas donné de ses nouvelles, c'est évident. Mais, laissons cela. Je dormirai mal, laissons cela. Voulez-vous, mademoiselle Laure, me donner mon tilleul ? 16 gouttes de fleur d'oranger, n'est-ce pas ? J'ai bien envie, ce soir, vu votre agitation, d'aller jusqu'à 20. Vous croyez ? Je m'en rapporte. J'ai toute confiance en vous. C'est curieux comme vous avez tout de suite compris mon tempérament. Presque mieux que moi-même. Positivement. Buvez, sœur. Oh, j'ai bien que vous étiez positivement légérie de ma santé. Aussi ai-je resserré nos rapports. Et ai-je tenu à ce que vous preniez vos repas à ma table. Je vous en remercie doublement, sœur Felton, car outre l'honneur que vous me faites, je peux ainsi surveiller votre alimentation. C'est ce que je me suis dit, et je m'en trouve très bien, il me semble. Vos audaces raisonnées dans le menu semblent revigorer mon estomac, et votre conversation m'est fort agréable. Il faut parler en mangeant. C'est excellent pour la salive, n'est-ce pas? Excellent. À ce moment, 11 heures sonnant en grand cartel d'écaille, apparut le valet de chambre, venant se mettre aux ordres de sœur pour le coucher. Sœur Felton passa dans sa chambre, et un quart d'heure plus tard, le même valet revint annoncer à l'infirmière que sœur était au lit. Mademoiselle Laure fit alors sa visite habituelle à la chambre du malade, s'assura que rien ne manquait, rajusta les coussins sous la nuque du malade, haussa les tendons, puis, ayant mis la lumière en veilleuse voilée, s'éloigna de son pas feutré. « Dormez bien, sœur. » Elle alla éteindre l'électricité dans le salon et monta ensuite dans sa chambre, située au-dessus et reliée à celle de son malade, non seulement par une sonnerie d'appel, mais par un téléphone particulier. Elle se déshabilla et passa une robe de chambre. À ce moment, l'appel du téléphone d'en dessous grelotta. Elle alla décrocher le récepteur. La voix susurrante de Felton se fit entendre, satisfaite au bout du fil. « Mademoiselle Laure, je commence à croire positivement que les 20 gouttes de fleurs d'oranger, c'est parfait, parfait. Je sens que je vais dormir sans fatigue. D'un sommeil très calme. Je tenais à vous le dire, mes remerciements. Très heureuse. Bonne nuit, sœur, il faut dormir. » Elle raccrocha le récepteur, alla tapoter ses cheveux devant un miroir, alluma une cigarette, puis s'assit à sa table et, tirant à l'une feuille de papier à lettres, fit courir son stylo sur le papier. « Mon poulot, je crois que j'ai trouvé la bonne, l'excellente affaire en me calant ici. Il n'y a plus qu'à manœuvrer patiemment, sans brusquerie et avec habileté. Avant peu, je te ferai signe. » Au déjeuner de l'office, la table était ce matin-là, comme à l'ordinaire, animée de saillies goguenardes et de commérages pointus, à l'exception cependant de Firmin, le chauffeur, dont l'humeur, contrairement à son habitude, paraissait singulièrement rebroussée. « Cette mademoiselle Laure, achète-t-il avec ses bouchées rageuses, en fait de peste, celle-là ? Elle est pourtant qu'on dirait à la voir et à l'entendre, apprécia la cuisinière, assez douce de manière. Oui, vous pouvez vous y fier. Tout miel, tout sucre, grommela le chauffeur. On leur a dit bien sûr, quand on ne la connaissait pas encore. Mais elle montre bien ce qu'elle est, la bougresse, depuis qu'elle s'est faufilée en douce dans les bonnes petites grâces du patron. Pardi ! Fit entendre la femme de chambre avec un petit sourire égrillard. Elle le borde dans son lit. Avec ça, on est toujours dans les bonnes grâces d'un homme. Peut-être bien que s'il en faisait autant, monsieur Firmin, vous ne diriez pas que c'est une peste. Enfin, conclut le valet de chambre, ça ne va pas, elle et toi. Ah, fit le chauffeur, je ne sais pas ce que j'ai pu faire pour ça, mais elle ne peut pas me souffrir. Dites donc, monsieur Firmin, c'est que peut-être vous lui plaisez au contraire beaucoup. Ricana la femme de chambre. « Il y a des femmes comme ça. La hargne, c'est quelquefois une des formes de l'amour. » « Alors bon sang, dit le chauffeur en riant avec une certaine nervosité, elle doit m'aimer rudement. Non mais, faut voir ces systématiques façons de me mécaniser. Ah, si ce n'était pas que la place est bonne et que partout c'est le chômage, pour sûr que j'en appellerais pas tant. Comme de juste, je me retiens, à cause du patron, qu'elle te tourne et qu'elle te retourne avec ses petites mignotises, de ne pas lui fiche des sottises. Mais faut pas qu'elle repique un masticoté où je lui flanque ses vérités au nez. Faut du moelleux dans le métier, conseilla la cuisinière. J'en ai, bien sûr, il croyait bien que j'en mets du lubrifiant, mais tout de même. Mais tomber tout le temps sur la veste, ça va plus. Ainsi, tenez, je vais, n'est-ce pas, tout à l'heure, les balader du côté de Saint-Cloud. Eh bien, c'est bien rare que je n'encaisse pas d'autres petits compliments au vinaigre qui vous font monter la moutarde. » Les prévisions pessimistes de l'exaspéré Firmin ne firent en effet que se réaliser durant la sortie de l'après-midi. On eût dit que Mademoiselle Laure se livrait avec lui à une sorte de tactique pour le faire sortir de ses gonds. Ses petits coups d'aiguillon étaient brefs et incisifs, dès que M. Felton n'avait pas son oreille à porter. En sa présence, elle gardait son habituel maintien modeste et réservé, affectant de ne pas s'apercevoir le moins du monde que Firmin suffoquait à son volant. Ce jour-là, à Saint-Cloud, alors que Sir Felton avait décidé, sous le conseil de son infirmière, de faire un petit quart d'heure de marche à son côté, et était descendu de voiture avec elle, Mademoiselle Laure, lui ayant laissé prendre 5 ou 6 pas, et étant revenue vers l'auto sous couleur de fixer au chauffeur un autre point d'attente, n'eut garde de ne pas lancer à Firmin, tout en conservant son air doux et gracieux, une observation si piquante qu'elle provoqua aussitôt une véhémente réplique dont l'éclat vint jusqu'à l'oreille du patron. Celui-ci se retourna, les sourcils haussés. Mais déjà, Mademoiselle Laure revenait vers lui, un pâle sourire au coin des lèvres, tandis que le chauffeur démarrait et s'éloignait pour exécuter l'ordre reçu. « Qu'est-ce donc ?» s'enquit Felton. « Rien, sœur, rien. » « J'avais cru, » dit l'anglais, les sourcils froncés. « Laissons, laissons. Voulez-vous prendre mon bras, sœur ?»« Mais très volontiers, Mademoiselle Laure, très volontiers. » Le chauffeur rejoint, un petit kilomètre de là, on retourna à l'hôtel. Sir Felton retrouve avec un vif agrément son feu pétillant, devant lequel son infirmière s'assit en silence. « Vous me semblez, Mademoiselle Laure, toute mélancolique, » constata-t-il. « Mélancolique ?»« Oui, peut-être, sœur, » dit-elle en étouffant un soupir, « car je me demande si, malgré mon grand attachement à vous, que voulez-vous dire ? » fit-il légèrement anxieux. Mademoiselle Laure se tut, regardant tristement les flammes. « Songeriez-vous à me quitter ?» Elle continua à garder le silence. Felton sentit son anxiété s'accroître. « Auriez-vous, » demanda-t-il, avec quelque inquiétude, « auriez-vous quelque chose qui vous aurait froissé ici ?»« Ah, je devine peut-être l'insolence de ce chauffeur aujourd'hui. »« Si ce n'était qu'aujourd'hui, » sembla-t-elle laisser déborder. « Que me dites-vous là ?» Et, fit-elle en hochant la tête, « ce sera encore aussi demain et les jours suivants. Il est insolent avec vous, si ce n'était qu'insolent. » « Inconvenant ?» Elle baissa les yeux. « Oh, par exemple !» « Par exemple, » frémit-il, « calmez-vous, sœur, votre santé. »« C'est juste, mais néanmoins. » Il sonna fébrilement. « le chauffeur, tout de suite » lança-t-il à son valet de chambre, accouru à son appel. « Oh, par exemple !» L'instant d'après, le chauffeur se présentait quelque peu hérissé. « Sœur m'a fait appeler. »« Oui, je devine certainement de quoi il s'agit. Et si c'est pour me congédier, comme je présume, » « J'irai respectueusement au-devant de vos intentions, sœur. Mais 8 jours, n'est-ce pas ?»« Non !» dit violemment Sir Felton. « Non, tout de suite !»« Mon valet de chambre va vous régler. »« C'est entendu, sœur, je m'incline. »« Mademoiselle Laure, » ajouta-t-il ironiquement, « a obtenu ce qu'elle voulait, n'est-ce pas ? Félicitations !»« Hors d'ici !» intima Sir Felton, soulevé sur ses poignets, les mains crispées au bras de son fauteuil. « Hors d'ici, à l'instant, et sans un mot de plus, n'est-ce pas ?» « Édouard, Édouard, réglez cet homme, et que dans un quart d'heure, il a disparu d'ici !» Firmin sortit, les mâchoires serrées. « Dans quel état vous vous mettez ?» se désola Mademoiselle Laure, avec un coquet air grondeur. « Oui, vous avez raison. Montial, voulez-vous ? Cet homme qui a osé, mettez 25 gouttes d'eau de fleurs d'oranger, qui a osé vous manquer de respect. Que peut faire cela ? Comment ? Que peut faire cela ? Cela semble vous bouleverser, ce... positivement. « Oh, il a osé. Laissons cela, sœur, laissons cela. Buvez. Ma chère enfant, je suis outré, outré. Ce tiel manque de sucre, dirait-on. C'est mieux pour l'instant. Vous croyez ? Vous croyez ? Ah bon ? Outré. Là, ce tiel vous calme un peu ? On dirait, oui, merci. Maintenant, nous voilà sans chauffeur pour ma promenade quotidienne, qui me faisait cependant du bien. Il va falloir tout de suite s'occuper. Mais... suggère alors, paraissant se remémorer tout à coup. « Le garagiste m'avait parlé justement. J'avais négligé de vous le dire puisque vous aviez quelqu'un. Il m'avait parlé d'un chauffeur sans emploi qui cherche une place, hein, et qui l'occupe parfois lui-même. Mais c'est une référence, ça. S'il l'emploie lui-même, n'est-ce pas, un garagiste, c'est qu'il doit apprécier l'homme. Mieux que le bureau de placement, cela. C'est un peu ce que je me dis. Et il cherche une place, ce garçon, je crois. Mais c'est à voir, vous croyez? Positivement, positivement. Téléphonez, voulez-vous? Dites qu'on l'adresse ici, nous le verrons. Vous savez que je me pique d'être physionomiste, tout de suite je verrai. Et tenez, après mon premier coup d'œil, je vous ferai savoir mon impression par un simple mouvement des cils. Vous verrez si je me trompe. Voulez-vous avoir l'amabilité de téléphoner? Dites bien qu'on l'envoie le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Je ne veux pas manquer ma promenade de demain. Ces promenades me font grand bien, certes. Vous voyez donc? Téléphonez, téléphonez. Mademoiselle Laure alla de son pas feutré s'occuper de cela et revint quelques minutes plus tard. Il était précisément au garage, rendit-elle compte. J'ai dit qu'on l'envoie. Il sera ici dans un instant. Il paraît que la place lui plaît. C'est une garantie pour nous, cela. Si la place lui plaît, il fera tout ce qu'il faut pour s'y maintenir. Enfin, je verrai sa physionomie. Vous, regardez quand il sera là, mon visage. Un simple mouvement de cils vous éclairera sur mon opinion. Un simple mouvement des cils, sans plus. Un quart d'heure plus tard, comme Mademoiselle Laure commençait la lecture des journaux du soir, le nouveau chauffeur se présenta, introduit par le valet de chambre Édouard. C'était un garçon de quelque 25 ans, à l'allure souple et aisée, à la mine délurée, à la tenue soignée, aimable visage au demeurant. « C'est vous, n'est-ce pas ?» dit Sir Felton, qui est recommandé par le garagiste. « Oui, sœur. Vous avez déjà servi en maison ?»« Peu, sœur. J'ai fait surtout la grande location et le rodage, mais je connais le service. »« Bien, bien. Vous vous nommez ?»« Paul Renin, sœur. Et vous connaissez à fond la voiture ?» Paul Renin sourit. « Bien, bien, je vois. La grande location, du rodage pour les grandes marques. Et par surcroît, le garagiste qui vous emploie lui-même, ça vaut mieux que de vains certificats. D'autre part, vous me paraissez stylé. » Sir Felton tourna les yeux vers Mademoiselle Laure, qui pencha la tête sur une épaule avec une expression de visage qui semblait discrètement dire « Vous voyez bien, ce n'est pas la peine de mettre en branle les bureaux de placement. » Et tout aussitôt, d'un air assuré et docte, le physionomiste Sir Felton exécuta le petit ciment définitif. Son opinion était faite. « Quand pouvez-vous, conclut-il, entrer en service ?»« Quand il vous plaira, sœur, ce soir même, à la disposition de sœur, ce soir même. »« Allez donc, Édouard va vous installer et vous fera part des conditions, celles de mon ancien chauffeur, qui, je pense, vous agréeront. »« Je m'en rapporte, sœur. Vous êtes dès maintenant à mon service. » Je vous en exprime respectueusement, sœur, ma gratitude. Tout à fait très bien, ce garçon, dit avec satisfaction Sir Felton, dès que le nouveau chauffeur Paul fut sorti en compagnie d'Edouard. Vous avez vu, j'ai tout de suite été fixé, j'ai le coup d'œil. Les physionomies, voyez-vous, pour moi, valent mieux que tous les certificats du monde. N'en êtes-vous pas d'ailleurs la preuve? Vous êtes trop aimable et trop bon, Sir Felton. Exprima la jolie Laure en baissant ses paupières sous le regard très doux où elle fit scintiller la clarté attendrie de sa reconnaissance émue. Le même soir, Mademoiselle Laure, après avoir, à 11h15, disposé avec soin les oreillers sous la nuque de Sir Felton, bordé ses draps et mis sa lumière en bailleuse, lui souhaita une bonne nuit de la voix la plus douce et monta dans sa chambre dont elle eut soin de laisser la porte simplement poussée. Quelques minutes plus tard, un pas discret frôlait dans le silence le tapis épais de l'escalier, et cette porte, simplement poussée, s'ouvrait doucement et se refermait sans bruit derrière le nouveau chauffeur. Mademoiselle Laure lui ouvrit ses bras et lui tendit ses lèvres souriantes. « Eh bien, mon poulot, tout s'est passé, je crois, à merveille. Tu es la fine mouche des fines mouches !» proclama le surpoulot en s'installant dans un fauteuil et en allumant une cigarette. « Et je crois en effet, comme tu me l'écrivais, ma poupée, que nous avons cette fois la bonne affaire en main. » Il n'y a plus, comme tu dis, qu'à manœuvrer patiemment, sans brusquerie et avec habileté. Il s'agit de se concerter. Facile, puisque te voilà à présent à côté de moi dans la place. Il a le gros béguin pour toi, cela va sans dire. Sourit Mademoiselle Laure. Il ne me l'a pas encore fait clairement entendre, mais je vois venir ça. Le soir, quand je lui arrange les oreillers, la façon dont il me regarde, et puis... Quand je lui ai fait croire que l'ancien chauffeur avait été inconvenant avec moi, il était tout bouleversé, cet homme. Bon, cela. Reste la question des domestiques. Je me charge du coup de balai en douce, sans en avoir l'air. Tu es la fine mouche des fines mouches, je te dis. Que pensez-vous, Sir Felton, de votre nouvelle cuisinière? demanda une dizaine de jours plus tard Mademoiselle Laure avec une douce sollicitude. Depuis que vous l'avez remplacé, je trouve, Dieu merci, que vous avez un bien meilleur visage. Vous croyez? Vous trouvez? En effet, je remarque que mes digestions sont plus légères. Positivement, positivement. Vous voyez? Vous avez admirablement fait d'insister pour que je la remplace. Je ne peux que me louer de votre initiative. Dame, votre alimentation serait une chose à surveiller avec un soin tout particulier. C'est capital, cela. Mademoiselle Laure, je ne sais vraiment en quel terme reconnaître. C'est le tout cœur, Sir Felton, de tout cœur, fit-elle entendre en lui glissant un regard plein de douceur câline. Sir Felton en tout sauta d'émotion. Là, voilà que vous vous enrhumez, dit-elle en remontant sur ses genoux la couverture de l'auto. Merci, merci. C'est comme cette femme de chambre qui faisait sans cesse des commérages et créait des discordes à l'office, de sorte que vous n'aviez autour de vous que des serviteurs nerveux ou renfrognés. Comme c'est agréable pour un malade, qui a besoin au contraire d'avoir autour de lui des visages avenants. C'est juste, positivement, positivement. Mais ne trouvez-vous pas, mademoiselle Laure, que cette grosse bretonne qui la remplace a l'air un peu idiot? Une machine. Vous l'avez, je crois, bien jugé, sœur. Oh, je suis, vous le savez, physionomiste. Mais quel service régulier! Des machines à servir, voilà ce qu'il faut à un malade. Positivement, voilà qui est bien vrai. Et vous êtes toute raison, toute raison. Depuis que je me fie à vous, je me sens revigoré. Heureux, mademoiselle Laure, très heureux. Vraiment heureux, sœur, dit-elle en baissant les paupières. Plus encore, plus encore. Sir Felton, avertit avec une coquetterie pudique mademoiselle Laure. Le chauffeur peut vous écouter. Oui, oui, enfin, je me sens pour vous de vrais sentiments de père. De frère sera plus juste, rectifia mademoiselle Laure, avec un tendre regard de côté. Notre différence d'âge ne permet guère de croire à des sentiments paternels. Soit, soit. Enfin, je voulais dire que si à présent je cessais de vous avoir près de moi, je serais malheureux, positivement. Sœur, je ne vous chope pas. Non, dit-elle tout bas, les paupières baissées. Non, cela ne me choque pas, mais je vous en supplie. Quoi donc, n'en dites pas plus long, implora-t-elle, palpitante. Je ne pourrai plus le soir vous border et arranger vos oreillers. Le chauffeur Paul, qui était au volant et qui, sans y paraître, avait l'oreille tendue et ne perdait pas un mot, manqua sous le coup de sa douce gaieté en perdre sa direction. Il arrêtait d'ailleurs à ce moment sa voiture. Qu'a-t-il donc? S'enquit Sir Felton étonné. « Geneviève, sœur, » annonça-t-il en se penchant. « J'ai pensé qu'il serait sans doute agréable et salutaire à sœur de faire un petit tour à pied sur la terrasse. L'air ici est très bon, très vif, très pur. »« L'idée est excellente, » approuva mademoiselle Laure, « et je remercie Paul d'avoir pensé à cela. »« Bien, bien. » Ce garçon, émit Sir Felton, est plein d'initiative et d'attention. « Il est certainement très dévoué, » s'empressa d'opiner mademoiselle Laure, « et intelligent, vous savez. » Je l'avais bien tout de suite jugé, ainsi sur sa seule physionomie, dévoué et intelligent, positivement. Voici le plateau. Le radio est un peu dur. Voulez-vous prendre mon bras, sœur? Vous êtes également très dévouée, mademoiselle Laure. C'est de tout corps, sœur Felton, de tout cœur, vous le savez bien, dit-elle avec une douce inflexion de voix, en pressant imperceptiblement le bras de son malade sous le sien. Un dévouement de sœur, soupira-t-il. « Soyez raisonnable, » soupira-t-elle à son tour. « Disons deux sœurs, ça vaut mieux. » Ils arrivèrent sur la terrasse. Le panorama qui s'étendait devant eux offrait un coup d'œil attrayant qui épanouit Sir Felton. « Charmant, » fit-il. « Charmant, positivement. Et l'air, en effet, l'air pur qu'on respire ici est revigorant. Je crois que je dînerai bien ce soir. » Ce Paul est un garçon plein d'heureuses initiatives. Paul surgissait en ce moment sur la terrasse. « Si des fois, » dit-il, sœur avait plaisir à s'asseoir un instant sur un banc. J'ai monté à tout hasard la couverture de la voiture. Pour repartir, pas la peine de prendre de la fatigue à descendre le rayon, qui est trop caillouteux. Je vais avec l'auto faire le tour et j'attendrai devant l'église, qui est à deux pas. Bien, bien. Tout à fait plein de bonnes initiatives, ce garçon. Mon jugement ex abrupto était exact, intelligent, dévoué, voilà. Et honnête, fit observer mademoiselle Laure. Depuis que vous avez ce chauffeur, les frais d'essence, ai-je constaté, sont bien moindres, et pas le moindre prix d'une réparation. C'est, ma foi, positif. Ah, ce n'est pas que votre ancien chauffeur. Avec celui-là, les dépenses d'essence et d'huile devenaient invraisemblables, et les frais de garage pour menu révision ne discontinuaient pas. Il est vrai, mais ceci, sœur, ne me regarde pas. Dites, dites. Eh bien, Édouard, votre valet de chambre, oh, celui-là. Mais dois-je bien me mêler de ça? Ne m'êtes-vous pas toutes dévouées? Vous savez bien que si, sœur, et c'est bien pour ça que je parle. Vos intérêts, autant que votre santé, ne peuvent me laisser indifférente. Pourquoi suis-je comme ça avec vous, dites? Mais parce que vous m'êtes attachée. Trop, peut-être. Et si vous saviez combien, j'en ai le cœur tout plein pour vous et de gratitude émue. Mais vous disiez, Édouard? Ah oui, Édouard, que vous chargez, avec trop de confiance peut-être, de tout régler dans la maison. Eh bien, l'ancien chauffeur, Paul a eu l'occasion de s'en rendre compte et me l'a confié, partage avec lui les bénéfices de ses petites malhonnêtetés. Oh! Comme il procède d'ailleurs avec les divers fournisseurs. J'ai fait là-dessus ma discrète enquête. Je suis fixé sur le personnage qui vous caresse par devant et se moque de vous par derrière. Édouard, je n'en reviens pas. Un garçon si dévoué? Ah, des garçons dévoués comme ça. On en trouve plus qu'on en veut. Une double face, oui. Il a l'air de s'intéresser à votre santé. Et l'autre soir, tenez, quand je vous faisais prendre votre tilleul au lit, avec un peu trop de sollicitude, peut-être, je l'avoue. Il a eu un petit sourire de coin qui m'a indigné. Il a fait cela. Et bien d'autres choses encore. Il vous ronge sans scrupule. Ah, si je voulais essayer de lui tirer les vers du nez, ça me serait bien facile. À la façon dont il rôde autour de moi, en me collant des regards plus que significatifs pour les sentiments que je lui inspire. Oh, par exemple. Fiez-vous aux gens dévoués? En effet, me voilà bouleversé. Oh, plus que bouleversé! Qui aurait pu croire qu'Édouard, qui avait toute ma confiance, positivement, toute ma confiance, oh, par exemple, vous n'avez pas remarqué ces petits manèges, évidemment. Il avait soin de cacher son jeu devant vous. En voilà, je vous le jure, qu'il ne va pas faire long feu chez moi. Et dès ce soir même en rentrant, ne lui dites pas, sœur, que c'est moi qui vous ai rébellé. Il va de soi. Il serait capable de dire que je mens. Il en serait bien capable, positivement. Non, sachant ce que je sais, je n'ai qu'à me borner à un seul mot, hors d'ici. À la bonne heure. Mais calmez-vous, sœur, calmez-vous. Ne me demandez pas l'impossible. Songez à votre santé. C'est juste. Je me calme. Mais je reste ennuyé, positivement. Édouard était mon homme de confiance. Une sorte de majordome sur lequel je me reposais entièrement. Et ma foi, pour le remplacer, c'est bien ce que je me disais. Dans la peur de vous donner du souci, ce qui m'empêche un peu de vous le démasquer, évidemment, pour le remplacer. Mais j'y songe. Mais oui, fit soudain Mademoiselle Laure avec un sourire illuminé. Vous avez peut-être sous la main, en y pensant bien. Eh oui, achevez votre pensée. Vous avez peut-être sous la main tout à fait l'homme qu'il vous faudrait, honnête, actif, dévoué, attentionné et intelligent, ne manquant pas, ma foi, d'initiative, capable, lui, de faire marcher une maison comme la vôtre avec un doigté remarquable, à mon sens du moins. Quel est donc ce phénix? Mais, Paul, votre chauffeur, vous croyez? Je le crois. Mais... Le fait est qu'il est sûr, ce garçon. Je suis physionomiste. Voilà peut-être, Mademoiselle Laure, une idée. Positivement. À ce moment, Paul reparaissait sur la terrasse. Je m'excuse, sœur, mais je dois faire respectueusement observer à sœur que le soir vient et la fraîcheur descend. C'est juste. Ma foi, dit sœur Felton, en causant avec Mademoiselle Laure de certaines choses, nous ne pensions plus à cela. « Merci, vous avez raison, la fraîcheur descend. »« Voulez-vous prendre mon bras pour regagner la voiture, sœur ?» Sœur Felton prit le bras de l'infirmière et se penchant vers elle. « Tout à fait le garçon qu'il me faut pour ce que nous avons dit. » Lui souffla-t-il, le visage épanoui. Mademoiselle Laure tourna légèrement la tête et eut à l'adresse de son complice qui suivait, en portant la couverture, un léger ciment et un éloquent sourire. Assise en compagnie de Sir Felton devant le feu clair, Mademoiselle Laure contemplait pensivement les flammes. Sir Felton, du fond de sa bergère, contemplait Mademoiselle Laure. Mademoiselle Laure songeait à la situation maintenant solidement acquise. Elle avait à présent fait place nette dans la maison, ayant remplacé tous les anciens domestiques par un personnel sur lequel elle avait la haute main. Paul, qui avait pris les lieux et places d'Édouard congédié, taillait et reniait à sa pleine fantaisie avec une initiative qui jugeait les explications superflues, se bornant à faire signe à Sir Felton des chèques qu'il encaissait. Les deux complices étaient comme un couple de rats dans un ample fromage. Tandis que Laure dirigeait l'esprit du malade, le Sir Paul en dirigeait les affaires d'une façon profitable pour lui, cela va sans dire. Il pouvait ronger tout à son aise et amplement. La fortune liquide de Sir Felton était étoffée. Laure avait manœuvré pour le faire admettre à la table de Sir Felton. Ils s'y trouvaient tous les trois comme en famille. Les domestiques nouveaux obéissaient à Madame, plus encore qu'à Sir Felton, et le Sir Paul était pour eux une sorte de maître respecté, dont les ordres étaient exécutés sans hésitation ni murmure avec zèle. Tout le personnel était au pli. La vie, cependant, nonobstant ses appréciables avantages, eût été monotone près de ce malade, si les deux aigres fins ne l'eussent un peu agrémenté. Paul, le soir, fréquentait un cercle où le baccarat lui servait de dérivatif aux petites astreintes de la journée. Laure, sous couleur de sollicitude pour sa santé, avait persuadé Sir Felton qu'il devait se coucher à 9 heures, ce qui permettait au couple des exodes subreptices vers des spectacles et des dancings, la femme de chambre bretonne attendant la rentrée de madame dans la chambre de celle-ci, dans le cas peu probable où le malade appellerait dans la nuit. Mais Sir Felton, qui dormait d'ailleurs comme un pape, n'aurait osé déranger le sommeil de Mademoiselle Laure, sauf en un cas grave, ce qui n'était guère prévisible. Tout allait donc parfaitement bien, en attendant mieux encore. Ce soir-là donc, Laure contemplait les flammes et Sir Felton, du fond de sa bergère, contemplait Mademoiselle Laure. Il eut au bout de quelques minutes de contemplation un léger soupir, qui fit tourner vers lui les yeux de la jeune femme. « Vous avez un malaise, sœur ?» s'enquit-elle de sa douce voix câline. « Non, je me sens bien, depuis que Paul me conduit dans l'air vif. Je me sens mieux. Je dors sans fatigue. L'air vif, voilà mon remède. » « Il m'a semblé cependant que vous soupiriez. »« Oui, j'ai un malaise de l'esprit, peut-être. » Je me demande parfois si vous ne vous ennuyez pas trop ici. Oh, fit-elle avec son plus tendre sourire, comment pourrais-je m'ennuyer près de vous, sœur? Vous savez trop bien que non. Il m'est doux de l'entendre dire positivement, positivement, mais ce n'est pas tout à fait cela qui me fait soupirer. Je pense à votre dévouement de sœur. Il me serait doux aussi, très doux, Mademoiselle Laure, que ce sentiment est, comment dirais-je, une autre teinte. Nous y voilà encore, sourit-elle d'un air coquettement grandeur, pour revenir sur ce sujet brûlant, trop brûlant. Soyons raisonnables, soyez gentils. Ne me ferez-vous, au moins, entendre demi-mot de douce vérité? Ah, soupira-t-elle, la vérité se révèle mieux dans les yeux d'une femme que sur ses lèvres, vous le savez. Vous qui êtes physionomiste, trop physionomiste, hélas. Oui, oui, oui. Pour l'instant, laissez-moi sans trouble à la mission que je m'assigne avec un dévouement que je n'aurai pour nul autre que vous. Il est 9 heures, il faut dormir, sœur, bien dormir, dit-elle en sonnant son valet de chambre. Déjà, il est 9 heures, votre santé d'abord, c'est juste, c'est juste. Après avoir mignotement disposé des coussins sous sa nuque, l'avoir douillettement bordée, lui avoir octroyé la caresse de sa main sur son front et ses tempes, sous couleur de voir s'il n'avait pas un peu de fièvre, et mit sa lumière en veilleuse, elle le quitta béat et gagna sa chambre où Paul l'attendait en fumant des cigarettes. « Il est couché, le phénomène ?»« Ah, Dieu merci » soupira-t-elle. « Ce soir, il avait, le bébé, une crise de sentiments. Voyez-vous ça ? Alors, un petit tour à Montparnasse ? Avec joie, ça me détendra un peu les nerfs. » Le lendemain, dans la matinée, après une nuit joyeusement mouvementée, Paul était allongé dans son lit et venait de sonner pour son thé quand Laure entra. Elle paraissait soucieuse et tenait une lettre à la main. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » fit-il en remarquant son visage, puis cette enveloppe. « Je ne sais pas, » dit-elle un peu nerveusement, « mais je flaire quelque chose de désagréable dans cette lettre. « Oui, fort heureusement que je l'ai vue sur le plateau et que je l'ai subtilisée. « Regarde le timbre, Bombay. Je vois bien, et après ?» « Oui, évidemment, ça ne peut rien te dire. Eh bien, il paraît qu'il a un fils. Il me l'a dit l'autre jour, un fils qui est parti comme explorateur dans le Tibet et dont il n'a plus de nouvelles depuis longtemps. Il le croit mort. Il n'en a pas tout à fait la certitude. Et cette lettre porte le timbre de Bombay. « Hein ?» dit le sieur Paul en se mettant brusquement sur son séant. « Tu penses, comme j'ai eu soin de faire disparaître cette lettre du plateau du courrier ?»« Bigre, c'est surtout celle-là qu'il n'avait pas à voir. »« Ce n'est peut-être rien, mais il faut voir. Je pense bien. » Placé au-dessus de la buée de la télégraphie monde, l'enveloppe fut décollée assez facilement. La lettre était écrite en anglais. Laure, qui parlait cette langue, en prit connaissance en la traduisant au fur et à mesure à son compagnon. « Nom de Dieu !» frémit celui-ci. « En fait de bûche ?» murmura Laure fébrile. « Le fils de Felton était vivant. Cette lettre était de lui-même. » Après des avatars, qui intéressaient fort peu les deux gredins, et qu'il avait retenu malade en un pays séparé de toute communication, il avait pu rejoindre, complètement rétabli, les Indes anglaises et annoncer son joyeux retour par un des prochains paquebots. Son arrivée suivrait cette lettre d'une dizaine de jours. Les deux vampires se regardèrent. « Que faire ?» souffla Laure atterré. « Hé !» fit le chauffeur. « Détruire cette lettre d'abord, cela va sans dire, et disparaître sans laisser de traces. Et laisser notre homme ?»« Ah mais non !» Autant Magos laissait alors un coffre-fort plein dans un déménagement. On l'emmène avec nous. Sans qu'il laisse de traces lui aussi, l'autre pourra le chercher. Il sera en bonne main. Et en lieu sûr, lui et son argent. Comme tu dis, on va partir le plus vite possible. Prépare le phénomène à cette idée. Je m'en charge. Mène ça en douce, ma poupée, rondement. Je n'entends pas nous laisser déposséder par ce revenant. Quand ce fils à papa retrouvera l'auteur de ses jours, il en retrouvera vidé. Et il pourra toujours courir après nous. Tout ce que nous aurons assuré sera garé, et tout sera régulier, comme tu dis. » Mademoiselle Laure redescendit auprès de Sir Felton. Le malade l'attendait pour son petit déjeuner. Il ne voulait pas le prendre sans elle. « Vous seul savez ce qu'il me faut, le matin. Compote de prune ou d'abricot, ou bacon. Je me sens en appétit ce matin. Vous avez en effet bonne mine, sœur. Vous trouvez. Certes, et j'en suis toute heureuse. Vous m'êtes dévoué au point que j'en suis, vous le savez, ému, très ému. Chut, fit-elle coquettement, très ému. La caresse de votre petite main fraîche hier soir, je la sens encore sur mon front et mes tempes, positivement. Voulez-vous bien ne pas parler de cela ? Supplia-t-elle en lui coulant un regard de tendre reproche. Je m'abandonne avec vous à des gestes un peu trop caressants. J'ai tort, je le sais. J'en reste bouleversé quand je vous ai quitté, mais pourquoi hier soir m'avez-vous parlé encore de choses troublantes ? Mademoiselle Laure, chut, soyez raisonnable. Plus tard, quand votre santé me donnera un peu moins d'inquiétude, peut-être aurons-nous d'autres sujets de conversation. C'est possible, hein ? Pour l'instant, votre santé d'abord. Laissez-moi pour le moment vous dire combien je suis heureuse de vous voir ce matin si bon visage. « Vous me plaisez ainsi, le teint frais, l'œil éveillé, un peu trop éveillé peut-être quand vous me regardez. Oh, laissons, les randonnées au grand air de ces jours-ci ont vraiment fait un miracle. Vous croyez ? Il est vrai, j'en suis tout guilleret, et je commence à dormir sans fatigue, positivement. Vous voyez bien, je suis de votre avis. L'air vif que Paul me fait prendre chaque jour, depuis quelque temps, je sens que c'est une cure, ça, une cure. » fit Mademoiselle Laure avec une petite moue. « Oui, mais une faible cure. Il faudrait maintenant que votre santé s'y accoutume. » Et il réclame un air plus vif encore, loin de Paris, par exemple. Paul me le disait hier encore. Cet excellent Paul, comme dévouement. Pour ça, je suis de votre avis. Comme dévouement, comme attention. Il me disait qu'il connaît en Bretagne ou en Auvergne, je ne me rappelle plus au juste, des sites exquis, avec un air revigorant où on boit à la santé. Voilà ce qu'il vous faudrait. Vous croyez? Vous croyez? Paul nous conduirait. Nous serions tous les trois seulement, moi, à côté de vous dans la voiture, dans des paysages nouveaux. Le printemps, en ce moment, a tout verdi. Et nous serions tous deux seuls. Paul, en somme, ne compte pas. Non, non, il ne compte pas. Il ne compte pas. Qu'en dites-vous, sœur? J'en dis que ce serait charmant. Positivement, positivement. Eh bien, puisque c'est décidé, Paul va tout de suite tout arranger. Et l'on va partir le plus tôt possible. Oui, oui, le plus tôt possible. Le plus tôt possible, tous les deux. Comme ça, conclut en elle-même Mademoiselle Laure, tout en caressant son malade d'un doux regard et les lèvres fleuries de son plus tendre sourire. Comme ça, c'est gagné. Lorsque Gérard Felton débarqua ce matin-là à Paris et courut, le cœur ému, chez son père, il eut l'indicible surprise de trouver l'hôtel clos, toute persienne fermée et un écriteau annonçant que l'hôtel était à vendre. Il en éprouva un saisissement qui se mua presque aussitôt en angoisse. Sir Felton était-il décédé? La cour, avec son parterre à massif, qui derrière la grille précédait la façade de l'hôtel, était cependant en état d'entretien. Son gravier était ratissé. Rien ne révélait un abandon, sinon récent. Il est vrai que quelqu'un pouvait avoir charge de ses soins en vue de l'acquéreur éventuel. Anxieux, il alla s'informer auprès du gardien de l'immeuble voisin. Il apprit, avec un certain allégement du cœur, mais avec un redoublement de surprise, que Sir Felton était parti depuis 4 à 5 jours avec 2 personnes de son service. Le personnel de l'hôtel avait été la veille congédié et on avait clos la maison. On ne put lui fournir d'autres renseignements. Que voulait dire cela? Son père n'avait donc pas été touché par sa lettre, qui avait dû pourtant, calcula-t-il, lui arriver avant son départ. Péniblement frappé, il alla tout songeur s'installer dans un hôtel du quartier. Ce départ précipité le frappait de stupeur, concordant ainsi avec son arrivée. Son père avait-il résolu de le fuir? Il en cherchait vainement la raison. D'autre part, dans ce départ inexplicable, quelque chose d'étrange ne laissait pas de le frapper. Il ressemblait à une sorte de fuite. Sa précipitation même, après l'arrivée de sa lettre, avait un caractère suffisamment anormal, qui enveloppait, eût-on dit, un mystère qui l'importait d'éclaircir. L'écriteau, qui était appendu à la grille de l'hôtel, spécifiait que pour la vente, on devait s'adresser à Maître Cornet, notaire. Ce mandataire officiel, dont il avait noté l'adresse, devait être à même de lui fournir des renseignements, étant fatalement en rapport avec celui qui lui avait donné mission de vendre. Maître Cornuet, lorsqu'il lui déclina son identité, eut un haussement de sourcils et écouta ce qui lui fut exposé avec une attention qui devint particulièrement pensive au sujet de la lettre qui avait été expédiée de Bombay annonçant à Sir Felton le retour de son fils. « Il ne m'est guère possible, déclara-t-il, de vous fournir des précisions utiles, autres que celles-ci qui ont peut-être leur valeur. Sir Felton, qui m'honore de sa confiance, m'a fait charger, je souligne ce détail, de la vente de son immeuble par un Sir Paul Renin, régulièrement nanti par lui d'une procuration en bonnet due forme pour toute négociation, ses lieux et places, signature d'acte et encaissement des fonds. Cela est singulier. Il y a longtemps que vous avez quitté votre père, dit le notaire en hochant la tête. Sir Felton a été, depuis la guerre, dans un affaissement nerveux qui s'est fortement accru par l'hypothèse de votre mort. Il avait auprès de lui, ai-je su, une infirmière, qui a su capter sa confiance et un chauffeur, ce même Paul Renin, qui est en possession d'un pouvoir signé de Sir Felton. Voilà pour vous éclairer peut-être l'état des choses. C'est avec eux, il est probable, qu'est votre père. Ou, c'est, je crois, ce que ces 2 personnes ont intérêt à ne pas laisser savoir. Mais, objecta Gérard, quand cet homme se présentera pour les signatures, il sera aisé de se trouver en sa présence et d'avoir une piste. J'en doute. Il n'est même pas resté en rapport avec moi. Un notaire de province indiqué par lui sera son mandataire légal et lui fera parvenir les fonds par un virement. Voilà, à toute fin, le nom et l'adresse de ce notaire des environs de Rennes. Mais que vous puissiez rejoindre votre père ou retrouver sa trace par ce moyen-là, j'en doute. Je n'ai plus qu'à en appeler à la police. Le notaire haussa une épaule. Je doute qu'elle puisse faire grand-chose. Il lui faudrait un mandat. Votre père a été influencé, mais a agi volontairement, du moins en apparence. Au surplus, ces gens-là feraient l'occasion de déclarer ce qu'ils voudront à la victime qu'ils tiennent dans leur pouvoir. Que faire alors ? Le notaire réfléchit une seconde, puis donna à Gérard une adresse sur une feuille de papier. « Essayez ceci. Je sais que cet homme, que j'ai eu l'occasion de voir à l'œuvre dans certains cas aussi délicats, est assez habile. » Gérard lut sur cette feuille « L'amour ou, police privée, recherche, filature, mission de confiance. » Le détective Lamouroux, un petit homme fluet aux yeux vifs, écouta Gérard Felton en roulant placidement une cigarette. « Bien, » dit-il laconiquement en faisant claquer son briquet. « Vous êtes descendu ?»« Hôtel des Acacias, je connais. Je vous verrai là, demain matin, 10 heures. » Gérard sortit de chez Lamouroux peu enthousiasmé. L'activité du policier lui semblait douteuse. Pourquoi ce retard en un cas aussi urgent ? Confiant cependant dans la recommandation de Maître Cornuet, il patienta. Le lendemain, à l'heure indiquée, le petit détective se présentait chez lui. « Peu confortable pour vous ici, Monsieur Felton. Pas de salle de bain dans l'appartement. Si vous désirez vous installer dans l'hôtel inoccupé de votre père, j'en ai demandé la clé à Maître Cornuet, qui n'avait aucune raison, tant que l'immeuble était invendu, pour que vous n'y occupiez pas votre appartement. » « Je vous ai trouvé d'ailleurs un valet de chambre qui va s'occuper d'y faire transporter votre bagage. »« Un valet de chambre ? Eh oui. Il est bien stylé et il connaît les êtres. »« Édouard, l'ancien valet de chambre de votre père, qui était aussi son majordome et son secrétaire. »« Garçon précieux, pour moi surtout. »« Mais vous n'aurez pas l'occasion de rester longtemps là. »« Nous allons nous mettre en route. »« Vous savez conduire ?»« Parfait. »« Il y a au garage chez votre père une seconde auto qui fait de la bonne route. » M'a certifié le garagiste Latour, celui-là même, qui a fait entrer chez Sir Felton comme chauffeur ce Paul Renin. Autre précieux homme, ce garagiste. Les renseignements que j'ai pu, grâce à lui, avoir sur ce Paul Renin, dit le gazier, sont excellents. Hein ? Il me permet de lui faire mettre la main au collet ou de go. Ça évitera des formalités qui auraient tout détraqué. Il est recherché par deux parquets sous le nom d'Hector Piret. Ça va. Le tout est de le rattraper. Eh oui ! Mais il y a de petits fils et des amorces. Entre autres, les virements de compte des deux banques où Sir Felton avait ses dépôts et que m'a indiqué Edouard. J'ai déjà fait une enquête. J'y ai quelqu'un. Cela a filé à Rennes et à Brest, où cela a pu être déjà ramassé pour être reversé ailleurs. Mais au siège social, on reçoit toujours les fiches des nouveaux gros clients. En suivant l'argent, nous suivrons l'homme. Gérard Felton commençait à changer un peu d'opinion sur l'effarante activité du petit détective. Celui-ci, qui devinait sa pensée, se prit à sourire. « Oui, je sais, je ne vous semblais pas au premier abord très d'attaque, hein ? C'est que, voyez-vous, agir et s'agiter sont deux termes très différents. Mais si vous voulez bien, Monsieur Felton, que nous nous transportions chez vous. » J'ai diverses choses à y voir encore. Edouard nous prépare un déjeuner sur le pouce, puis nous nous mettrons en route. « Où allons-nous ? Je n'en sais rien. Hein ? Il faut d'abord que je cause avec une fruitière, Madame Dagobert, une amie de Marianne, pour savoir où je dois aller. Madame Dagobert, Marianne, c'est juste, vous ne comprenez pas. Eh bien, ils sont partis, non pas à 3, mais à 4. Ils ont gardé du personnel une domestique bretonne, aussi fidèle que bête, qui sert de femme de chambre à Mademoiselle Laure, l'infirmière de Sir Felton. Cette bretonne a, quelque part, une mère avec qui elle correspond sans cesse. La mère est souffrante. La fruitière sait son adresse. Si ces deux femmes continuent à correspondre, ce qui est probable, voilà un fil précieux. Par la mère, on saura où est la fille, donc où sont les autres. Une mère malade. Voilà, M. Felton, un traquenard, qui ferait un sujet de pièce à la façon de Victorien Sardou. Dans le petit enclos d'un village breton, la mère Victorine Lecouet allait, avant la tombée du soir, fermer ses poules et rentrer son cochon quand elle tourna la tête au bruit d'un moteur qui s'arrêtait. Elle regarda par-dessus la haie. C'était une belle auto de luxe. Deux messieurs étaient dedans, derrière les vitres. L'un d'eux se mit à grommeler, sauta à terre, souleva le capot, examina dans l'intérieur, puis se remit à grommeler. « Une panne, bien sûr, » pensa la vieille. Et elle alla d'un pas branlant fermer ses poules et rentrer son cochon. « Dites-moi, ma brave femme, » interpella un des deux messieurs, « il n'y aurait pas un garage dans les environs ? Un couet ? Un endroit où on répare ? Ah, dame, non ! Faut aller au bourg voisin, il y a un forgeron. Diable ! Nous voilà immobilisés, et la nuit vient. Il n'y a pas d'auberge ? Faut aller au bourg. Saperlotte, vous ne pourrez pas nous laisser dîner chez vous ? Oui donc, mes bons messieurs, mais il n'y a que des œufs et des châtaignes. Nous avons des provisions, un simple coin de table nous suffira. Il y a une table, bien sûr, à votre service. Et de quoi vous faire coucher si le cœur vous en dit ? Ils entrèrent dans une maisonnette assez proprette où la vieille alluma une lampe. « Faites quasiment comme chez vous, mes bons messieurs. » Ils s'attablèrent devant le repas froid qu'ils avaient apporté de l'auto et entrèrent en conversation avec la vieille bretonne. « Vous êtes bien ici, la mère ?» constata le plus petit des deux messieurs. « Dame, oui, mais je m'y sens un peu seul. Quand on prend de l'âge, vous n'avez pas de famille, pas d'enfants ?»« J'ai bien une fille, la Marianne. Tenez, là au-dessus de la cheminée. » Un beau brin de jeunesse, hein? Ça me fait du deuil de plus la voir. Elle n'est donc pas avec vous? Elle est en place à Paris, ou plutôt elle était en place à Paris. Maintenant, elle est, merci Dieu, plus près de moi. Ah, elle est à Rennes. À Rennes? Fit le plus petit des deux hôtes. Mais nous y allons précisément, si vous avez une commission pour elle. Vous êtes bien bon. Je l'écrivais, justement. Eh bien, mais confiez-nous la lettre, nous la lui remettrons. « Tenez, bon monsieur, avec mon bon merci. Vous ne vous tromperez pas, c'est écrit sur l'enveloppe, grand hôtel. Vous connaissez peut-être. C'est là que nous descendons, justement. » « Comme ça se trouve donc. Vous lui direz bien des choses de sa mère Victorine. Et aussi, ce que je mets pas trop sur la lettre, que c'est là du déplaisir à cette place, qu'elle s'en rend bien ici, bien sûr. » « Ah, elle a du déplaisir. Des choses qui lui font peine. Pareil qu'on fait des misères à un malade. » Les joues du plus grand des deux messieurs se prirent à blanchir et sa main se crispa sur le poignet de son compagnon. « Voyons, dit celui-ci, je vais voir tout de même si je peux remettre moi-même ce moteur en marche. Venez, monsieur Gérard, soyez tranquille, ma bonne dame, nous dirons tout cela à Marianne. Il y a en effet des choses qui font de la peine. » Je vous répète que je désire entrer à Paris, chez moi, positivement. Dans cette chambre d'hôtel où les deux complices le tenaient claustré, en attendant un lieu plus sûr, Sir Felton se prenait à regarder le sourire cajoleur de Mademoiselle Laure, d'un œil assombri et inquiet, où perçait un soupçon. Voyons, on va aller voir cette gentille villa que Paul a louée pour vous, dans la jolie banlieue de Rennes. En ce moment, la porte s'ouvrit brusquement devant un petit homme à la mine narquoise et décidée. Salut, Hector Piret. Le bandit se retourna d'un bond. Derrière le petit détective, trois inspecteurs de la police de Rennes venaient de pénétrer dans la chambre. Le chauffeur jeta autour de lui un regard de bête traquée, tout issu était bouché. « Je suis fait, balbutia-t-il, pas de veine. Au moment où tu allais avaler le gros morceau, hein? Pas de veine, en effet. Tes poignets, mon poulet de grain, et pipa. Trop heureux si tu me donnes l'occasion de te casser la tête. Quant à toi, la mame Laure, avant d'aller faire de nouveau les cafés de nuit, tu sais ce qui t'attend. » Sir Felton, dressé, regarda avec une sorte d'effroi les deux gredins sortir, entraînés par les inspecteurs, et ses yeux à demi égarés, regardaient parmi ses silhouettes une silhouette qui s'avançait vers lui. Une image aimée, un souvenir chéri. Était-ce une vision? Une illusion de ses sens? Son cœur se prit à battre à coups précipités. Gérard, parvinrent à murmurer ses lèvres grelottantes. Est-ce toi, mon père chéri, exhalait la voix aimée de celui qu'il ne pensait jamais revoir. Dans les bras juvéniles qu'il étreignait avec une fougueuse tendresse, Sir Felton se sentait chanceler de surhumaine joie. Ainsi s'achève, autour d'une fortune, par Louis Bonshomme.